وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. قبل هذا j'ai oublié de vous dire السلام عليكم. Donc je dis السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عفوا. Nous sommes, inshallah ta'ala, dans le 10e cours. Et nous sommes, bi'idhna ta'ala, le 6 d'Ul-Hijjah, 1428, c'est-à-dire le 15 décembre 2007, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Nous sommes toujours avec les règles du mariage, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et juste une petite révision. On s'est arrêté, on a dit. Non. Une seconde, inshallah ta'ala. Non, on avait dit que. Shahada. Non, on était dans la shahada. Non, les témoins. Et on avait terminé par dire que. Tout le monde sait qu'en islam, la femme a son avis. La femme, naam, a son avis dans le mariage et que personne ne peut marier une femme sans son avis. On avait cité le cas d'une femme, Khamsa bint Judam al-Ansariya, qui, son père l'a mariée sans son avis. Ensuite, elle a été au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a annulé son mariage. Il a annulé son mariage, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tayyib, aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre qui s'appelle Al-Muharramat min al-Nikah ou Al-Muharramat fi al-Nikah. Disons, les femmes qui sont interdites dans le mariage, les femmes avec lesquelles il est interdit de se marier. Qawluhu tahrumu abadan. Cheikh Lahmou a dit Al-Muharramat fi al-Nikah. Naam. Est-ce que elles sont ma'doudat ou ma'doudat? Est-ce qu'elles sont yani ma'doudat limitées, les femmes qui sont illicites, ou bien elles sont ma'doudat, ou bien elles sont comptées? Le jawab, il a dit innahunna ma'doudat. Naam, il a dit innahunna ma'doudat wal muharramat ma'doudat. Avant cela, il a dit wa hal al muhallalat ma'doudat ou ma'doudat. Pardon, il parle d'abord de celles qui sont permises, naam. Il parle de celles qui sont permises, c'est-à-dire le contraire, celles qui sont permises. Est-ce qu'elles sont ma'doudettes, naam, elles sont comptées, ou bien elles sont ma'doudettes, ou bien elles sont limitées? Il a dit le jawab, annahunna ma'doudettes. Les femmes qui sont permises sont limitées, et celles qui sont interdites sont comptés. Naam. Maintenant, si on doute, on ne sait pas, est-ce que elles sont permises ou interdites, al-asl, la base c'est quoi? C'est que c'est permis. La base c'est que la femme est permise. لأن المحدود بالإطلاق إذا لم نتيقن أنه خرج منه شيء فالأصل عمومه. Naam. Parce que les choses limitées, naam, c'est quoi? C'est par la base. Si on n'a pas de dalil, on reste dans la généralité. Il a dit, et celles qui sont interdites dans le mariage en islam, naam, ce sont des sortes. On peut les diviser en deux grandes sortes. On peut les diviser en deux grandes sortes. Naam. Al-Muharramat ila al-Abad. Celles qui sont interdites éternellement. والمحرمات إلى أمد et celles qui sont interdites d'une façon limitée. Vous savez qu'il y a des femmes qui sont interdites نعم éternellement et il y a des femmes qui sont interdites temporairement. Il n'a pas donné d'exemple, je donne un exemple très simple. La sœur نعم la sœur est interdite éternellement. En aucun cas il n'est permis à un homme de se marier avec sa sœur. Donc ça, ça rentre dans la première catégorie. La deuxième catégorie, celle qui est interdite temporairement, par exemple, disons la femme du frère, l'épouse du frère, elle est interdite seulement temporairement pour le frère de son époux. C'est-à-dire que si le frère divorce son épouse, alors son frère, il peut épouser sa belle-sœur. Et la même chose, si son frère meurt, alors il peut épouser sa belle-sœur. C'est pourquoi la belle-sœur ne peut pas prendre son beau-frère comme mahram. Pourquoi? Parce que il se peut qu'un jour il l'épouse. C'est pour ça qu'elle doit se cacher devant lui. Quand on dit se cacher, ce n'est pas ce que comprennent beaucoup de gens, qu'elle se cache, c'est-à-dire qu'elle s'enferme dans sa chambre. Et se cacher, c'est-à-dire ne pas se dévoiler devant lui. Ne pas se dévoiler devant lui. Naam, donc il n'est pas possible pour une femme qu'elle prenne son beau-frère comme mahram. Parce qu'un jour, il se pourrait qu'il l'épouse. Naam, donc par conséquent, elle ne peut pas voyager avec lui, ni se dévoiler devant lui. Tayyib. Il va commencer maintenant par la première catégorie, celles qui sont interdites, les femmes qui sont interdites éternellement. Naam. Il dit la première catégorie, c'est-à-dire les femmes qui sont interdites éternellement, naam, sont cinq sortes. Naam. Ismaël, si tu peux seulement changer la couleur de l'écriture, parce que ton nom est en bleu et l'écriture est en bleu. Naam, si tu peux par exemple écrire en rouge, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Je disais que les femmes interdites éternellement, il y a cinq sortes, ou bien cinq groupes. Ils viennent par la filiation, celles qui viennent du côté de l'allaitement, celles qui viennent du côté du mariage, celles qui viennent du côté du li'an, je ne sais pas ce que c'est en français, mais je vais vous l'expliquer, c'est le quatrièmement, et cinquièmement, celles qui sont interdites éternellement par respect. Donc je répète, les femmes qui sont interdites se divisent en deux, ou bien interdite éternellement, ou bien interdite seulement temporairement. Premièrement, on parle de celles qui sont interdites éternellement. Elles viennent de cinq sortes. Naam. Ou bien, c'est par filiation, naam, ou bien c'est par allaitement, ou bien c'est par zawaj, quand on se marie, bien sûr, se marier avec elle, certaines femmes par rapport à ma femme, naam, ou bien par li'an, que je n'ai pas encore expliqué, et ou bien par respect. Par li'an, je reviens à par li'an, quatrièmement, et je préfère dire chaque mot d'abord en arabe, ensuite en français. Donc les cinq sortes, premièrement, bin naseb, hein, par filiation, ma soeur, etc., bin naseb. Ensuite, bin rada, par allaitement. Trois, bin musahara, quand quelqu'un prend un gendre, se marie et a des gendres. Quatrièmement, bil li'an, c'est quand l'homme, par exemple, ne reconnaît pas, par exemple, la légitimité de sa femme. Il dit, par exemple, que ma femme a fait la zina. Naam. Qu'est-ce qu'ils vont faire? On l'a déjà dit. Ils vont aller chez le responsable, chez le cadi, par exemple, et lui, il va faire cinq fois un témoignage comme quoi, il n'est pas un menteur, et elle 5 fois, comme quoi lui c'est un menteur. Vous savez ça. Naam. Ça s'appelle li'an. Et ça ne peut se faire que devant un juge et un responsable. On ne peut pas les faire entre deux personnes, elles-mêmes à la maison, par exemple. Naam. L'époux et l'épouse ne peut faire cela que devant le responsable. Et cinquièmement, l'ihtiram. Cinquièmement, par ihtiram, par respect. Nous allons commencer, inshallah ta'ala, par le cinquièmement, qui est le plus simple. Donc, il y a des femmes avec lesquelles on ne peut jamais se marier par respect. On ne peut jamais se marier avec elles par respect. Qui sont-elles? Quelle est la femme que je ne peux pas me marier avec elle par respect? Ce sont les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de tous les prophètes. Naam. La femme d'un messager d'Allah. Personne n'a le droit de se marier, vraiment, vraiment empêché. De toute façon, Allah Ta'ala ne permettrait, ne laissera pas un tel mariage se faire. Et personne ne peut se marier avec elle, même s'il veut. Et astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, même si elle le veut, alors que c'est impossible qu'elle veuille. Allah Ta'ala ne laissera pas un tel mariage se faire. Naam. Je disais, on ne peut pas se marier avec les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam par respect. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Sourate Al-Ahzab, verset 53. Sourate Al-Ahzab, verset 53. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا. Je répète, وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا. Vous ne devez pas faire de la peine au messager d'Allah et lui faire du tort, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce serait auprès d'Allah un énorme péché. Ce serait auprès d'Allah un énorme péché. Et, elle dit Aïcha, notre mère, radiallahu ta'ala anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, elle n'avait que 18 ans. Elle n'avait que 18 ans. Et elle n'a vécu avec lui que 9 ans. De 9 ans à 18 ans, subhanallah al-azim. 18 ans, c'est très jeune pour une fille, surtout de nos jours. À 18 ans, elle ne connaît pas grand chose. Naam. Et subhanallah al-azim, regardez Aïcha, radiallahu ta'ala anha, la science qu'elle a pu prendre pendant les 9 ans. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas, naam, son cœur n'était pas, son cœur ne pensait qu'à ce qu'aime Allah et son prophète. Naam, elle n'avait ni des films, ni al-musalsalat, ni les documentaires, ni ceci, ni cela, ni les clips. Il n'y avait rien. Naam, elle, son cœur ne battait que pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour la science. C'était l'une des plus érudites de l'islam. Et les feuilletons, jazakallahu khair, les feuilletons égyptiens, on apprend à la femme comment vite elle divorce et elle jette son mari et elle prend un autre. Naam, on lui apprend comment aussi elle apprend à danser. Naam. Et suivre la dévote. C'est la plus érudite des femmes. Il n'y a aucune femme, j'ai la même science qu'elle, radiallahu ta'ala anha, alors qu'elle est restée toute jeune. En fait, elle l'a laissée toute jeune à 18 ans, subhanallah al-azim, et les grands sahaba venaient lui poser des questions quand il y avait des choses compliquées. C'est elle qui avait la réponse, mais idnillahi azza wa jal. Et vous savez que elle est morte vers 63 ans, 65 ans, subhanallah al-azim, combien qu'elle a pu supporter sans se marier, car il est interdit pour elle qu'elle se marie. D'ailleurs, qui dans sa situation accepterait un autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Naam, ce serait trop contradictoire si ça se faisait. Une personne qui vit avec un ange ensuite va se marier avec un autre vraiment de niveau très bas. Quoi qu'il soit, il est de niveau très bas comparé à quelqu'un comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim. Donc les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont interdites jusqu'au jour du jugement dernier. Naam. Jamais elles ne seront permises. Deuxièmement, ça c'est la première sorte. Deuxième sorte. Al-Muharramat bin Nasab. celles qui sont interdites par filiation. Celles qui sont interdites par filiation. Naam. Et ici, il a commencé par alliance. Naam. Par alliance. Al-Mu'allif, rahimahullah, a dit, la première, c'est l'Umm. Naam. Al-Ismaïl de Marseille. Il faut être très sûr que Naam, que Nasab, c'est alliance. Hein? Il faut être très sûr. Car Moussahara, ça va venir que le Moussahara. Moussahara, je crois que c'est l'alliance. Quand on se marie avec une femme, Sira, ça devient Moussahara. Mais je pense que, regarde, il ne va parler que de la même. Il va dire la mère, la grand-mère, la fille, la sœur. Je crois que cela, Moussahara, parenté par alliance. Naam, maintenant, je ne parle pas de Moussahara. Ismaël, je parle de Nasab. Nasab. Naam, je parle de filiation. Naam, naam. Et jazakallahu khairan. Donc, corrige, inshallah ta'ala, écrit de filiation. Naam. La première, c'est qui? Pas de problème, pas de problème. Pas de problème, inshallah ta'ala. Tayyib, les émoticons sont partout. On ne peut pas les éviter. Naam. Tayyib, je disais que la première, c'est la mère. La première des femmes interdites par filiation, c'est la mère. Allah Ta'ala dit dans le Coran, In ummahatukum illa allati waladnakum. Naam, in ummahatukum illa allati waladnakum. Et il a dit, Hurrimat alaykum ummahatukum. En principe, il devait donner le deuxième verset que je viens de citer. Hurrimat alaykum ummahatukum. Mais lui, il a cité le verset qui dit, car ils n'ont pour mère que celles qui les ont enfantées. Il veut montrer que on n'a pas de mère, comme on ne peut pas avoir deux pères. Notre mère, c'est qui? C'est celle qui nous a enfantés. Naam. Mais le verset qui interdit la mère, c'est le verset qui est clair. Et Salam alaikum, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Je ne sais pas pourquoi ça s'est coupé, ce n'est pas de moi. Tayyib. Les grands-mères sont interdites, qu'elles soient du côté du père et qu'elles soient du côté de la mère. C'est très connu. La mère de ma mère m'est interdite. Et la mère de mon père m'est interdite. Et on monte, et on monte. La mère d'air, et on monte jusqu'à qui? Jusqu'à Hawa. Et la mère de mon père, et sa mère, et sa mère, et sa mère, et comme ça. Naam. Wal bintu. Naam. Wal bintu wa bintu l'ibni wa bintahuma. Est interdite aussi à vie la fille qui est sortie des reins de l'homme. Naam. Sa fille, ça veut dire sa vraie fille, qui est sortie de ses reins. Naam, il est interdit à quelqu'un d'épouser sa fille. Wa bintul ibn est la fille du fils. À condition, naam, la fille du vrai fils, son vrai fils. Naam. Et la fille de la fille. Et on descend jusqu'en bas. Naam, la fille du fils, ensuite la fille du fils du fils, la fille du fils du fils, et on descend. Ensuite la fille de la fille, la fille de la fille, sa fille, sa fille, sa fille. Et on descend. Naam. Tayyib. Qawluhu min halal wa haram. Ensuite, il a dit, qu'elle soit, que ça soit de licite ou d'illicite, que ça soit de permis ou de, yani, pas permis. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? On va expliquer, bi'idhni azza wa jal. Il a dit, من حلال كالتي خلقت من ماء رجل يحل له وطء من ولدتها مثل الزوج. Il a dit que ça soit يعني, halal ou haram. Halal, par exemple, halal, c'est la fille, يعني, quand un homme se marie avec une femme qui lui est permise et il a une fille. Cette fille, il ne lui est jamais permis de se marier avec elle. Non. Parce qu'elle a, elle a, elle a, elle a été créée avec son nom. Elle a été créée avec son nom. Non. Ensuite, il a dit, et la fille de la zina. Non. La fille de la zina lui est aussi interdite. Si un homme fait la zina avec une femme, ensuite, il a une fille. Cette fille n'est pas sa fille chez Allah Ta'ala. Mais elle est la fille de la femme, pas de l'homme. Mais, en même temps, il ne peut jamais l'épouser. Quoique, subhanallah al-azim, elle devra se cacher devant lui et se voiler devant lui. Parce que ce n'est pas son père. Mais malgré cela, subhanallah al-azim, malgré cela, il ne peut pas l'épouser. C'est pour ça en arabe, on dit qu'il y a une différence entre le mahram. Naam. Entre le mahram et le mahram. Des fois, une femme est interdite pour le mariage, et malgré cela, on ne peut pas se dévoiler devant elle. Donc la règle qui, les gens croient que toute personne devant, qui nous est interdite pour le mariage, donc on peut se dévoiler devant elle. On dit attention à des exceptions. La fille de la zina, naam, disons son père, celui-là, il ne peut pas se marier avec elle. Et malgré cela, elle doit se cacher devant lui, se voiler. Sauf s'il se marie avec sa mère. Même si c'est un kafir, il se marie avec sa mère à l'église, là, elle peut donc se dévoiler devant lui. Bi'idna azza wa jal. Tayyib. Donc, même si c'est une fille de zina, elle reste interdite jusqu'à le jour de l'Qiyamah. Naam. Ensuite, il a dit, wa in safalat. Naam. Wa in safalat. Quelle bint wa bint bint wa bint bint. Naam. On a dit que la fille est toujours interdite, qu'elle soit de zina ou qu'elle soit une fille naturelle, yani halal. Et toutes ses descendantes. Naam. La fille de cette fille, ensuite la fille de cette fille, et on descend, toutes celles-là sont interdites. On ne va pas dire c'est seulement ma fille qui est interdite, mais la fille de ma fille, et la fille de la fille de ma fille, et comme ça, on descend. Naam. Ensuite, wa kullu ukhtin, wa bintuha, wa bintu bnatiha. Ensuite, les femmes qui sont interdites à vie, ce sont les sœurs. Les sœurs, naam. Chaque sœur, naam, il est interdit de se marier avec elle. Soit, ça en kan shaqiqa, ou li ab, ou li om. Qu'elle soit consanguine, c'est-à-dire de père et de mère, une sœur de père et de mère, ou bien une sœur d'où bien une sœur de mère. Toutes celles-là, naam, il ne peut pas les épouser. Donc ce n'est pas une condition nécessaire, il faut qu'elle soit une sœur de père et de mère. Non. Si elle est seulement une sœur de père, il n'est plus permis de l'épouser. Et la même chose si elle est une père de mère. Il ne lui est plus permis aussi de l'épouser. Wa bintu bintiha. Pardon, wa kadhalika bintuha. Et naam. Et sa fille, la fille de ma sœur, et la fille de la fille de ma sœur, et la fille de sa fille, et on descend. Toutes celles-là sont interdites. Et la fille de son fils, bien sûr. Si ma sœur a un fils, et son fils a une sœur, c'est la même chose. Je ne peux pas me marier avec cette fille. Naam. Vous savez pourquoi? Parce qu'il devient quoi? Il devient un oncle. Naam. Il devient un oncle par rapport à ces filles-là. Et un oncle ne peut jamais épouser ses nièces. Un oncle ne peut jamais épouser ses nièces. Ensuite, وَبِنْتُ كُلِّ أَخٍ وَبِنْتُهَا. Et celles qui sont toujours interdites à vie, la fille de chaque frère et sa fille aussi. Et la fille de son fils et sa fille. On va les expliquer. فَبِنْتُ كُلِّ أَخٍ حَرَمْ عَلَى أَخِهِ. Chaque sœur, pardon, chaque fille de chaque frère est interdite. Chaque fille de chaque frère est interdite. Que ça soit un frère de sang, ou bien que ça soit un frère de père seulement, ou un frère de mère seulement. Non, ces filles sont interdites. Pourquoi ? Car il devient son oncle. Il est son oncle. Il ne peut pas se marier avec elle. Et même si on descend plus bas. Naam. Et la fille de sa fille, et la fille de sa fille, et comme ça. Naam. لِأَنَّ عَمَّ الْأُمِّ عَمٌّ لِبَنَتِهَا. Parce que l'oncle de la mère, c'est l'oncle de ses filles. Si moi je suis un oncle par rapport à une femme, je suis son oncle. Donc, en même temps, je suis l'oncle de ses filles à elle. Naam. Comme je ne peux pas me marier avec la femme elle-même, je ne peux pas me marier avec ses filles. Je ne peux pas me marier avec ses filles. Et la même chose, et l'oncle du père, l'oncle du père, il est aussi oncle de ses filles. De ses filles, naam. Et ensuite, celles qui ne peuvent jamais se marier, celles yani qui sont toujours interdites, restent toujours dans l'interdit. Al-ammatu wal-khala wa in'alata. Je ne sais pas comment on dit en français l'amma. Al-ammatu, en arabe, c'est la fille, c'est la sœur du père. Naam. La sœur du père. Et la sœur de la mère, hein, elles sont interdites à vie. La sœur du père et la sœur de la mère sont interdites à vie. Même aussi, par exemple, la sœur du grand-père et la sœur du père du grand-père. Et on monte. L'amma, la tante paternelle. Naam. Naam. La sœur de mon père est toujours interdite. Et je monte. La sœur de mon grand-père et la sœur du père de mon grand-père. On monte jusqu'à Adam alayhi salam. Et la même chose pour la femme. Naam. La sœur de ma mère est interdite. Ensuite, la sœur de ma grand-mère. Et la sœur de la mère de ma grand-mère. On monte jusqu'à Hawa alayhi salam. Toutes celles-là sont interdites. Mais, là, il y a une petite exception. Mais, les filles de mes tantes, paternelles et maternelles, il est possible que je les épouse. Elles ne sont pas interdites pour moi. Naam. La fille de la sœur de ma mère, la fille de la sœur de ma mère m'est permise. Et la fille de la sœur de mon père m'est permise. Naam. Parce que elle commence à s'éloigner. Les cousines paternelles et maternelles sont permises. Naam. طيب. Ensuite, Cheikh Rahmo, il a dit, tout cela rentre dans le verset qui dit, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ. Sourate An-Nisa, verset 23. Tout cela, alhamdoulilah, est cité dans un seul verset. Il montre très clairement celles qui ne sont pas permises et celles qui sont interdites à vie. Il les a cités dans un verset où il a dit حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ. Vous sont interdites vos mères. Quand on dit mère, vos grands-mères et on monte. Hein? Vos filles, quand on dit filles et leurs filles. Quand on dit sœurs aussi, sœurs et leurs filles. Naam. Tante paternelle et tante maternelle sont leurs filles. Leurs filles sont permises. Naam. Ensuite, filles d'un frère et filles d'une sœur. نعم وبنات الأخ. Donc il y a sept. Si on compte bien, vous allez en trouver sept. Vos mères, filles, sœurs, tante paternelle, tante maternelle, fille d'un frère, fille d'une sœur. نعم sept. أما بنت الزاني, quant à la fille بنت الزاني, qu'on a eu par zina, la fille que la personne a eu par zina, pourquoi elle est interdite? Parce qu'elle a été créée, premièrement, par son nom, et deuxièmement, elle rentre dans le verset où c'est dit, vous sont interdites vos mères, vos filles. Naam, vous sont interdites vos filles. Et elle, c'est ta fille. Pourtant, chez Allah, ce n'est pas ta fille. Comment se fait-il qu'elle rentre ici dans le verset dans ta fille? Ça veut dire, c'est ta fille que Allah Ta'ala a voulu par volonté universelle. Mais que Allah Ta'ala n'a pas voulu par volonté juridique. C'est-à-dire que Allah Ta'ala a voulu cette chose. Hein? Sinon, tu n'aurais jamais eu cette fille. Mais il l'a voulu d'une volonté quoi? Universelle. Non, et pas juridique. Ça veut dire que Allah Ta'ala n'aime pas que tu aies fait ce rapport et cette relation pour avoir cette fille. Tu as fait un grand péché. Et elle, la fille, bien sûr, elle n'a aucun péché. Les grands péchés reviennent à cet homme et à la femme qui se sont associés pour donner cette fille miskina qui n'a rien fait et dont tous les malheurs vont tomber sur elle. Tous les malheurs vont tomber sur elle. Mais, Alhamdulillah en islam, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, elle peut être l'une des plus pieuses et l'une des meilleures quand elle va rencontrer Allah Ta'ala. Elle sera beaucoup, peut-être mieux que d'autres qui sont naturels, de père et de fils et de mère, subhanallah l'adhim. Naam. Car l'essentiel chez Allah Ta'ala, c'est la piété. Naam, c'est pas toi qui as voulu ce rapport. C'est ton père qui l'a voulu et ta mère. Ce sont eux qui vont répondre demain devant Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'ils ont fait. Naam. Tayyib. Ensuite, Cheikh Lahmou dit que certains ulama disent que la fille de Zina est permise pour le mariage. Mais Cheikh Lahmou dit, ça c'est vraiment faible. Ça c'est un avis vraiment faible. Naam. Pour ceux qui disent que celui qui fait la zina et il a une fille, il peut se marier avec elle, se basant sur quoi? Se basant sur que elle se voile devant lui et c'est une étrangère et c'est pas sa vraie fille. Ils ont dit donc qu'il peut se marier avec elle. Et Cheikh Lahmou a montré que c'est un avis très faible et qu'il ne faudrait pas prendre cet avis. Mais l'avis le plus juste, c'est que, Inch'Allah Ta'ala, il lui est interdit de se marier avec elle parce qu'elle a été créée de son propre liquide. Naam. Ensuite, il a dit Cheikh Lahmou, si seulement, naam, une fille tête seulement une autre femme, comme vous savez, plus de 5 fois dans les deux premières années, elle devient interdite. Elle devient interdite pour le mariage seulement en tétant la poitrine d'une femme. Alors, qu'en est-il, subhanallah l'adhim, tu as été la cause pour que cette femme ait été créée. C'est toi qui as été la cause. C'est avec ton mot qu'elle a été créée. Imagine, si tu lui donnes, ta femme lui donne un peu de lait, elle devient haram. Alors, comment se fait-il que tu sois maintenant toi la cause de sa création, bi-idnillah, et elle est halal? C'est impossible. Naam, c'est impossible. Donc, Inch'Allah Ta'ala, l'avis le plus juste et autour duquel la plupart des ulama yani, se regroupent, c'est qu'il lui est interdit, il est interdit de se marier avec la fille de la fornication. Maintenant, on a terminé avec par filiation, on a terminé avec par respect, on va à al-mala'in. C'est quoi al-mala'in en français? C'est quoi al-mala'in? On a dit tout à l'heure, c'était quoi al-mala'in? Tu avais écrit quoi? Imprécation, je ne sais pas quoi. Imprécation. نعم طيب والملاعنة هي التي رماها زوجها بالزنا ولم تقر به الملاعنة c'est quoi ici il dit c'est la femme نعم la femme qui son mari lui a dit tu as fait zina et elle reconnaît pas son mari lui a dit tu as fait zina et elle reconnaît pas ou bien il dit aussi l'enfant ne m'appartient pas. Tu es enceinte, mais tu n'es pas enceinte de moi. Ça revient à la même chose. Si tu n'es pas enceinte de moi, tu as fait zina. Naam. Car des fois, pourquoi je fais la différence? Des fois, il peut lui dire tu as fait la zina, mais reconnais l'enfant. Naam, tu es enceinte, je sais que l'enfant c'est mon enfant, mais tu as fait la zina. Mais des fois, il ajoute autre chose, il reconnaît même pas l'enfant. Il dit tu as fait zina, et l'enfant n'est pas mon enfant. Naam. Donc, quand un homme accuse sa femme de zina, et il ne peut pas avoir de délit, comment va-t-il faire pour ramener quatre témoins? Les témoins, hein, ils vont gagner témoigner qu'ils ont vu la zina. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, maintenant elle est libre. Ou bien, elle demande naam, qu'on le juge, naam, ou bien elle se tait. Naam. Maintenant, si elle demande qu'on le juge, elle va chez le juge, elle dit celui-là, il dit que j'ai fait la zina, etc. Il n'a pas preuve. Il n'a pas de preuve. Alors le juge va les convoquer les deux et il va dire à l'homme, témoigne sur ta femme quatre fois. Naam, qu'elle a fait la chose. Et cinquième témoignage, que la malédiction d'Allah soit sur toi si tu es un menteur. Et il va faire ainsi. Devant le juge et les témoins, il va témoigner quatre fois par Allah. Que quoi? Que il n'est pas un menteur, c'est-à-dire qu'elle a fait. Et la cinquième fois, que la malédiction d'Allah soit sur moi si j'ai menti. Naam. Alors, maintenant, on va demander à elle. On va lui dire, tu vas faire la même chose que lui. Et elle va choisir entre deux choses. Ou bien faire comme lui, ou bien ne pas faire. Si elle fait comme lui, elle va témoigner quatre fois. Elle va témoigner quatre fois que quoi? Que c'est un menteur dans ce qu'il a dit. Je témoigne que c'est un menteur quatre fois. Et la cinquième, que le courroux d'Allah, la colère d'Allah est sur elle si c'est une menteuse. Naam. Et bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a assisté une fois à une imprécation, naam, il a dit que yani, est-ce que l'un de vous, est-ce que vous voulez faire la tauba? Allah Ta'ala sait que l'un de vous est un menteur. L'un de vous est un menteur. Car c'est impossible que les deux jurent par Allah cinq fois que l'autre est un menteur. C'est impossible. L'un des deux est un menteur. C'est pour ça que il est de la sunna avant de passer au deuxième conjoint et faire l'imprécation, de leur faire un petit rappel. De leur rappeler que, attention, le châtiment d'Allah est sévère. Et l'un de vous est un menteur. Taqullah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, la femme, elle a fait une moula'ana. Maintenant, si elle ne fait pas de moula'ana, si elle dit non, après que lui, il a témoigné cinq fois, elle a dit, moi, je ne témoigne pas. Si elle ne témoigne pas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit être lapidée. Ça veut dire que, voilà la preuve. Voilà la preuve. Son mari a témoigné cinq fois, elle ne veut pas témoigner. Naam, elle s'est abstenue, donc c'est une preuve qu'elle a fait. Sinon, pourquoi tu témoignes quoi? Qu'est-ce qui t'empêche? Naam, c'est pour ça que celui qui a peur d'Allah, sûrement qu'il ne va pas témoigner. C'est grave pour lui. Alors que personne ne peut savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai. Naam, personne ne peut vérifier. Tu jures seulement, tu témoignes cinq fois et tu vas à la maison, alhamdoulilah, tu n'as plus de problème. Mais le grand problème, c'est quand tu vas rencontrer demain Allah Ta'ala. Naam. Et les malheurs qui vont t'arriver dans cette dunya. Al-Muhim. Si maintenant une femme accepte de témoigner cinq fois, après que son mari ait témoigné cinq fois, on les sépare. Depuis l'instant où elle a témoigné cinq fois, elle se sépare de son mari d'une séparation éternelle. C'est ça le témoin du Dars. C'est-à-dire, elle ne peut jamais plus dans sa vie se remarier avec cet homme. Si après un an, après six mois, après deux ans, il vient, il lui demande sa main, s'ils vont se remarier, ils sont dans la zina. L'islam ne leur permet plus de se marier, attention. Et si elle a fait l'imprécation comme ça cinq fois, son fils, si elle avait un enfant, et son fils. Et quiconque, après l'imprécation des deux époux, quiconque dit qu'elle a fait la zina, on doit quoi? On doit le fouetter 80 coups de fouet. 80 coups. Pour avoir dit qu'elle a fait la zina. Alors elle a juré, et tu l'as entendu 5 fois jurer, que son époux est un menteur. Et toi tu vas dire maintenant elle a fait la zina. Pourquoi tu dis pas son époux est un menteur? Pourquoi tu dis elle a fait? Alors on va te fouetter 80 coups de fouet. Et la même chose pour quiconque dit que son fils est un enfant de zina. Celui-là, il va être fouetté aussi 80 coups de fouet. Naam. Donc c'était l'autre cas. C'est quel cas? Une femme, quand elle fait l'imprécation avec son mari, elle ne peut plus jamais se marier avec lui. Naam. Tayyib. On passe à autre chose. Maintenant, grande 2. Ah, maintenant, autre chose. Quelles sont les femmes qui sont interdites par l'allaitement? Quelles sont les femmes interdites par l'allaitement? On a vu les femmes interdites par respect. On a vu les femmes interdites par filiation. On va voir des femmes qui sont interdites par allaitement. Naam. Wa yahrumu birraza'i ma yahrumu bin nasab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith sahih, dans le Bukhari et dans le Muslim, il a dit, sont interdites par l'allaitement celles qui sont interdites par affiliation. Le prophète alayhi wa sallam a dit, toute femme qui est interdite par affiliation devient alors interdite par allaitement. C'est-à-dire que, on va bien expliquer ça, veut dire cela. Quand une femme, est allaite un enfant, quand une femme allaite un enfant, cet enfant, il devient son fils. Pourtant, elle l'a pris de sa voisine, c'est l'enfant de sa voisine. Mais, il aura donc deux mères. La vraie mère, qui est l'autre, la voisine, et la vraie mère, sa mère, et celle-là, la voisine, qui vient de l'allaiter. Elle devient sa mère par allaitement. Elle devient sa mère par allaitement. Et le fils de cette mère qui l'a allaité, donc, sera son frère par allaitement. Et la fille de cette fille sera quoi? Sera sa sœur par allaitement. Et le père de la femme qui l'a allaité, le père de la femme qui l'a allaité, devient son grand-père maternel par allaitement. Et la mère de la mère qui l'a allaité devient la grand-mère maternelle par allaitement. Et comme ça, c'est ça ce que veut dire le hadith. Il veut dire que la parenté par allaitement crée les mêmes interdiction que la parenté naturelle. Naam, la parenté par allaitement crée les mêmes interdictions que la parenté naturelle. Tayyib, on va expliquer ici aussi. Donc, tahrumul umm min rada. Donc, sont interdites pour le mariage qui? La mère par allaitement, la fille par allaitement, la sœur par allaitement, la fille de la sœur par allaitement, la fille du frère par allaitement, la tante paternelle par allaitement, la tante maternelle par allaitement. Exactement comme ce qu'on a dit tout à l'heure dans celles qui sont interdites par filiation. Maintenant, c'est la même chose, mais elles ne sont pas interdites par filiation, mais elles sont interdites par quoi? Elles sont interdites par allaitement. Naam. Tayyib. Mais il faut que dans cet allaitement, il y ait des conditions. Il faut que dans cet allaitement, il y ait des conditions. Première condition. أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر. هذا هو القول الراجح. La première condition, il faut que l'allaitement, hein, il faut qu'il soit au moins 5 fois. 5 fois. C'est-à-dire que si on allait un bébé 4 fois seulement, il n'est pas notre fils. Hein? Il faut l'allaiter 5 fois au moins. Car Aïcha radiallahu ta'ala anha a dit dans le hadith sahih, rapporté par Muslim, que auparavant, c'était dans le Coran, 10 allaitements interdisés, ensuite, elles ont été abrogées par 5. 5 allaitements interdisent. 5 allaitements interdisent. Ça veut dire, فَإِذَا نَقَسَ عَنْ خَمْسٍ فَلَا أَثَرَ لَوْ. Ça veut dire, si on allait quelqu'un 4 fois seulement, il n'est pas notre enfant. Naam. Le Cheikh Lahmou dit ici, وَمَا وَلَا نَقُلْ وَلَا تَقُلْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّبِعَةِ وَالسَّدِسَةِ مَثَلًا أَوْ الْخَامِسَةِ. Il dit, ce n'est pas la peine de nous dire pourquoi, quand il allait 5, il devient yani mon enfant. Si je l'allait 5 fois, il devient mon enfant. Et si je l'allait 4 fois, il ne devient pas mon enfant. Pourquoi? Non. Ensuite, tu vas poser une autre question. Pourquoi c'est 5 et pourquoi ce n'est pas 6? Pourquoi? Si je l'allait 5 fois, c'est mon enfant. Si je l'allait 6 fois, ce n'est pas mon enfant. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on va répondre ici? On va répondre, si Allah Ta'ala avait voulu montrer la sagesse, il l'aurait montré. Allah Ta'ala ne montre pas toujours la sagesse de la chose. Mais chaque chose a une sagesse. Et le fait que nous, on ne sache pas et on ne connaisse pas la sagesse, cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. C'est comme si quelqu'un qui est aveugle, il va dire « je ne vois pas le soleil ». On ne va pas dire donc « il a raison, il n'y a pas le soleil ». On lui dit « non, c'est toi seulement qui ne vois pas le soleil parce que tu es aveugle ». Mais nous, alhamdoulilah, qui ne sommes pas aveugles, on voit le soleil. Et c'est la même chose, celui qui ne comprend pas, il ne connaît pas la sagesse, ça ne veut pas dire que la sagesse n'existe pas. C'est comme l'aveugle, quand il ne voit pas, ça ne veut pas dire que c'est l'aveugle qui ne le voit pas. Et c'est la même chose, la sagesse existe dans tout ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui le grand sage, ça. Donc, maintenant, si on la comprend, on ne la comprend pas, qu'est-ce qu'on doit dire? Sami'na wa ata'na. Allah Ta'ala m'a ordonné de lui obéir. C'est tout ce que je sais. Je lui obéis. J'ai des hasanettes et je lui désobéis. J'ai des péchés, je vais en enfer. C'est tout ce que je sais. Naam. Ensuite, si on dit cela, donc on va dire aussi pourquoi le dhuhr c'est 4. Pourquoi le dhuhr c'est pas 5. Ensuite, pourquoi le Maghreb c'est spécialement 3? Pourquoi le Maghreb c'est pas 4? Et pourquoi le Subh c'est 2? Et, ça n'en finit pas. On va perdre notre temps dans des choses qui n'ont pas quoi? Qui n'ont pas de réponse. Non, passer le temps dans des choses qui n'ont pas de réponse. Non, moi l'essentiel c'est quoi? Allah Ta'ala m'a créé pour l'adorer. Il m'a dit, fais cette chose, je la fais. D'ailleurs, jusqu'à présent, beaucoup de choses, yani, beaucoup de jugements d'Allah Ta'ala, on ne connaît pas leur sagesse. Mais on les fait, et on dit quoi? On dit, sami'na wa ata'na. J'ai entendu et j'obéis. Non. Est-ce que quelqu'un peut nous dire d'une façon, et nous répondre d'une façon, yani, sans doute, d'une façon sûre et certaine, pourquoi Allah Ta'ala a interdit le porc? Pourquoi le porc on ne mange pas? Certains ont dit parce qu'il est sale, certains ont dit parce qu'il n'a pas de jalousie, il n'est pas jaloux. Donc quelqu'un qui mange, il ne devient pas jaloux de sa femme. Certains ont dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui montre? Il n'y a pas. Allah Ta'ala n'a pas voulu que je sache. Est-ce que, puisque je ne connais pas la cause, je vais dire alors je vais manger? Ah, moi je n'ai pas trouvé la cause, donc je mange. Non, je reviens à quoi? Je reviens à la sagesse générale qui est quoi? Qui est l'adoration. Comme ça disent les ulama, ils disent, quand tu ne connais pas la sagesse d'un jugement précis, alors reviens à la sagesse générale qui est adorer Allah Azza wa Jal. Tu n'as été créé que pour l'adorer. Et Omar ibn Khattab lui-même, radiallahu ta'ala anhu, quand il arrivait à la pierre noire, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, je sais, wallah, que tu ne fais ni du bien ni du mal. mais que j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam yani te toucher ou bien t'embrasser. Et si je n'avais pas vu le prophète alayhi wa sallam faire cela, Allah, je ne l'aurais pas fait. Naam. Donc Omar al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, lui-même ne sait pas pourquoi on touche la pierre noire, subhanallah l'adhim. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais il a dit, l'essentiel c'est que j'ai vu le prophète alayhi wa sallam te toucher, donc je te touche. C'est comme s'il voulait dire, la sagesse ici c'est quoi? C'est l'adoration, c'est suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça la sagesse. Et le fait que Omar radiallahu ta'ala anhu ne sache pas quelle est la sagesse et la hikma, et que nous on la connaît, ça ne veut pas dire qu'on est mieux que Omar radiallahu ta'ala anhu. Car vous savez que tout le monde, il se peut que beaucoup de gens, yani, même ce sont les plus rapprochés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui ne connaissaient pas certains hadiths. Naam. Et c'est quoi la hikma, la sagesse de toucher la pierre noire? Car il y a un hadith sahih apporté par Cheikh Al-Albani, l'a authentifié dans Sahih Al-Jama, où il dit que quiconque touche la pierre noire le jour de la rétribution, naam, elle quoi? Elle témoignera en sa faveur. Elle témoignera en sa faveur. Naam. Donc, c'est quoi la première condition, on disait? On disait la première condition, il faut que ça soit 5 allaitements. طيب. وقيل انه يثبت التحريم بثلاث. Et certains ont dit que 3 allaitements suffisent. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih rapporté par Muslim, il a dit: لا تحرم الإملاجة والإملاجتان ولا المصة والمصتان. نعم, حديث مسلم. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, n'interdit pas, c'est-à-dire, elle ne rend pas l'enfant notre enfant. Quoi? Il a dit, al-massatu ou al-massatan. Yani, disons, comment on dit al-massatu ou al-massatan? Le fait, par exemple, de prendre la tétée une seule fois. Et al-massatan, ou bien de prendre, j'ai dit la tête, ou bien de prendre le mamelon de la mère deux fois. Il a dit ça, ça n'interdit pas, ça ne rend pas l'enfant qui a fait cela, il ne devient pas notre enfant. C'est-à-dire une fois et deux fois ne rend pas l'enfant notre enfant. C'est un hadith sahih. D'autres ont pris par le contraire de ce hadith, puisque le hadith a dit que une fois et deux fois, ça ne rendait pas l'enfant notre enfant. Donc si c'est trois fois, ça le rend. Ça s'appelle en arabe « mefhum mukhalafa ». Naam, ça s'appelle en arabe mufhum al-mukhalafa. Naam, mais ça c'est faible. Pourquoi? Comparé au hadith qui est clair, subhanallah al-azim, et qui nous donne le jugement, pas par mufhum, pas par contraire. Naam, mais comme ça clairement, il dit 5. Aïcha dit, naam, 5. 5 allaitements font de l'enfant un enfant. Il faut qu'il soit 5. Naam. Donc c'est plus clair que le deuxième hadith. C'est plus clair que le deuxième hadith. Tayyib. Tayyib, maintenant, c'est quoi Ar-Rada? Maintenant, on est tous d'accord pour dire que il faut quoi? Il faut 5, disons, allaitements. Il faut 5 allaitements, si je puis dire. Tayyib, Ismaël, vous êtes là? Vous m'entendez? J'ai peur de me déconnecter. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Tayyib, maintenant, ils sont tous unanimes à dire que pour qu'un enfant devienne un enfant pour la femme qui l'a allaité, il faut qu'il y ait quoi? 5 allaitements. Mais comment définir un allaitement? Comment définir un allaitement? Naam. Est-ce que si l'enfant, naam, dans un seul temps, la femme le met, yani l'approche de sa poitrine, naam, et lui donne sa poitrine, Et il tète 5 fois. 5 fois. Il met sa bouche sur son mamelon 1 fois. Et il le retire. 2 fois. Il le retire. 3 fois. Il le retire. 4 fois. 5 fois. Est-ce que cela, c'est 5 allaitements ou c'est un seul allaitement? Naam. Donc certains disent que s'il fait comme ça 5 fois, il est devenu son enfant. Ou bien, est-ce que on compte l'allaitement quand il commence à sucer ou à téter, jusqu'à ce qu'il retire sa bouche lui-même. Ensuite, il revient vers le mamelon de sa femme. Il tète, il tète, il tète, il tète. Ensuite, il lâche. Ça fait 2. Ensuite, il tète, il tète, il tète. Ensuite, il lâche. Hein? Est-ce que c'est ça l'allaitement? Ou bien enfin, est-ce que l'allaitement, c'est comme le repas? Le repas, c'est quand tu manges tout ce qu'il y a. Ce n'est pas, tu prends avec ta main, tu mets dans ta bouche 1 fois, 1 bouchée, tu dis, classe, j'ai mangé. Il faut manger de ceci, cela, jusqu'à ce que tu termines, tu te lèves. Là, c'est un repas. Certains ont dit, c'est ça l'allaitement. C'est-à-dire, on donne l'enfant à la femme, elle lui donne sa poitrine, il boit, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Pour la fille saute. Alhamdoulilah. J'étais où? Est-ce que vous avez compris la divergence des ulama? Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'allaitement? C'est quoi l'allaitement? Est-ce que vous avez compris les trois avis? J'ai cité 3 avis. Vous les avez entendus? Dites-moi, est-ce que vous avez entendu les 3 avis? Et ensuite, j'ai dit que ce qu'a choisi Cheikh Ibn Uthaymeen, l'ayrahmou. J'ai dit lequel des avis il a choisi. Est-ce que vous avez entendu ça? Non? Vous étiez à quel avis? J'étais au premier avis ou là-haut? Taïb, ça ne fait rien. Un avis. Taïb, vous êtes d'accord avec moi, tous les ulémas sont d'accord pour que l'enfant soit un enfant, l'enfant qu'on allaite soit un enfant, il faut qu'il y ait 5 allaitements. Mais c'est quoi l'allaitement? Il y a 3 avis dans qu'est-ce que ça veut dire l'allaitement et comment le définir. Certains disent, nam, s'il prend comme ça, nam, s'il prend d'un seul trait, yani, 5 fois, c'est-à-dire il met sa bouche sur le mamelon 1 fois, et il lâche vite, 2 fois, 3 fois, il lâche, ils ont dit c'est un allaitement. Le deuxième avis dit, nam, s'il commence, il met sa bouche sur le mamelon de sa mère, et il commence à tirer, c'est-à-dire à téter, ensuite, tout seul, il lâche. Il lâche quoi? Il lâche la poitrine de sa mère. Ensuite, il attend un peu, et il reprend. Il dit ça, c'est un allaitement. Ensuite, s'il reprend jusqu'à ce qu'il s'arrête, c'est un deuxième allaitement. Ensuite, il reprend tout seul le mamelon de la femme et il tète jusqu'à ce qu'il s'arrête tout seul. C'est un troisième allaitement et c'est comme ça. Et le troisième avis dit que, naam, il faut que ça soit, l'allaitement c'est comme un repas. C'est quoi comme un repas? Cet avis dit que, quand on s'assoit pour manger, on ne va pas se suffire de quelques bouchées, mais il faut qu'on mange jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin. Donc d'après le troisième avis, l'enfant qu'on allaite va devenir notre enfant, quand est-ce que, quand la femme lui donne sa poitrine, et il commence à téter, Ensuite, par exemple, il lâche la poitrine. Ensuite, par exemple, il commence à tété. Ensuite, il lâche. Ensuite, il tète. Tout ça compte seulement un allaitement. Ça compte seulement à un allaitement. Ensuite, le soir, par exemple, là, le lendemain, elle va prendre l'enfant, lui donner encore sa poitrine. Il va téter, je ne sais pas combien de fois, s'arrêter. Téter, s'arrêter, téter, s'arrêter, téter, s'arrêter. Tout ça compte un allaitement. Ensuite, dans 3 semaines ou là, un mois ou je ne sais pas quand, on lui donne l'enfant. Elle va lui donner. Non, il boit. Non, tout ça, tant que ça se passe dans une même assise, même s'il prend la poitrine de sa mère 20 fois, ça compte seulement un allaitement. Et ça, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahoullah. Il a pris l'avis de son professeur, Cheikh Sa'di, rahimahoullah. Donc, d'après Cheikh Ibn Uthaymeen et d'après Cheikh Sa'di, 5 allaitements, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour définir l'allaitement, un allaitement, c'est il tète jusqu'à ce qu'il n'en ait plus envie. Ensuite, s'il revient dans la même assise, ça compte seulement l'allaitement. C'est-à-dire, ça devient un autre allaitement si la femme, classe, a caché sa poitrine et a éloigné de lui son enfant. Ensuite, 1 heure après, ou 2 heures, ou 1 mois, on lui a rendu l'enfant. Et elle lui a donné de nouveau, ça va être un deuxième allaitement. C'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen et Cheikh Sa'di Rahimahullah. Seulement, je voudrais vous dire que l'avis de la plupart des ulama, Cheikh Fouzan et les autres, la plupart disent que, Naam, le deuxième avis est le plus juste, disent. C'est quel avis? C'est que, et c'est aussi l'avis de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, quand la femme donne sa poitrine à l'enfant. Naam, la femme donne la poitrine à l'enfant. Il commence à téter. À du moment où l'enfant va délaisser la poitrine tout seul, soit pour respirer, soit où il veut s'arrêter. Ensuite, il reprend la poitrine, on lui compte la première tétée. On dit, voilà, il a fait déjà un allaitement. La preuve, il a tété, ensuite il s'est arrêté tout seul. Ensuite, il a repris la poitrine de sa mère. Il tète, ensuite tout seul, il s'arrête pour respirer ou pour rire ou pour je ne sais pas quoi. On va compter ça un deuxième allaitement. Naam. Mais à condition que le fait qu'il lâche la poitrine de sa mère ne soit pas dû à une cause extérieure. Par exemple, quelqu'un casse sans le vouloir une bouteille. Lui, de peur, quand il entend la chose qui se casse, de peur, il va lâcher sa mère. Ça ne compte pas un allaitement. Pour que ça soit un allaitement, il faut que ça soit de lui-même qu'il délaisse la poitrine pour souffler, ou là parce qu'il n'en veut plus. Ensuite, il revient vers la poitrine. À chaque fois qu'il délaisse, yani, sans qu'il y ait quelque chose d'extérieur qui soit la cause, et il revient vers la poitrine, on lui compte un allaitement. Ça, c'est l'avis de la plupart des ulamas. Moi, personnellement, Inch'Allah ta'ala, je suis convaincu par cet avis, et vous, Inch'Allah ta'ala, vous êtes convaincu par l'avis qui, Inch'Allah ta'ala, vous convient le plus. Lisez et regardez, Inch'Allah ta'ala, ce que vous prenez. Moi, je prends cet avis, il est plus prudent. Naam, il est plus prudent. Le fait qu'il ait fait comme ça, naam, ça se peut que khlas, c'est un enfant, donc c'est plus prudent de ne pas le marier, etc. Et quand je dis mon avis, je ne suis pas, yani, certains peut-être vont croire que je suis de, yani, j'ai un avis parce que je suis un alim, ou là, je ne suis rien. J'ai dit seulement que, naam, moi, yani, je penche, c'est tout, à cet avis, parce que c'est l'avis de Al-Fawzan, c'est l'avis de Cheikh Taymiyyah, c'est l'avis de beaucoup, beaucoup de ulama. Al-Muhim, qu'on prenne avec cet avis ou l'autre, l'essentiel, on n'a pas pris de notre tête, bi-idhnillah et azza wa jal. Tayyib, maintenant une chose très importante. Est-ce que, naam, la deuxième, la première condition, c'était quoi? C'était il faut que ça soit 5 allaitements. Il faut que ça soit 5 allaitements. Quelle est la deuxième condition? il faut que ça soit pendant quoi? Pendant les deux années. Il faut que ça soit pendant les deux années, car le hadith. Naam, jazakallahu khair, il est tombé, ça. Jazakallahu khair, il est tombé, barakallahu fik. Naam. Et je disais, la première condition, 5 allaitements. La deuxième condition, il faut que ça soit pendant les 2 ans. Naam. Il y a un hadith qui est clair et qui dit qu'il faut que ça soit pendant les 2 ans. Mais, ici, il y a un petit problème. Quel est le problème? Le problème, c'est que, est-ce que vraiment la condition, la deuxième condition, il faut que ça soit pendant les 2 ans, même si, à partir de 6 mois ou à partir d'une année, il ne boit plus le lait. Maintenant, il est en train de manger, par exemple. Non, il mange et il boit le lait. Il fait les deux choses à la fois. Ou est-ce à partir du moment où il ne boit plus le lait, ou bien ne se suffit pas au lait, mais mange des choses avec de lait, avec le lait, est-ce qu'à partir de ce moment, non, si on l'allaite par exemple, on le donne à une autre femme pour l'allaiter, il ne peut pas être son fils. Pourquoi? Parce que il a été allaité après qu'il n'avait plus, yani, ne se suffisait plus au lait, mais manger avec du lait, des biscuits, et manger un peu la shorba et je ne sais pas quoi. Donc, c'est quoi l'avis le plus juste ici? Car en fait, il y a un hadith rapporté par Tirmidhi, un hadith sahih, la radha'a, il n'y a pas d'allaitement, illa ma fataqa al-am'a wa kana qabla al-fitam. Naam, et dans un autre hadith, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'allaitement sauf l'allaitement qui fait pousser et qui fait, yani, comment dire, qui fait fortifier les os, naam, et donne de la chair, fait naître, yani, la chair, l'ahm, naam. Donc et ça la plupart du temps ça peut se passer, c'est-à-dire avant les 2 ans. Mais Inch'Allah ta'ala, la vie le plus juste, c'est quoi? La vie le plus juste, bi'idhna azza wa jal, c'est que l'essentiel, c'est que l'enfant n'ait pas 2 ans. Naam. Une femme dit, je veux, par exemple, élever un enfant de l'assistance publique. Mais cet enfant a 1 an, mais il ne boit plus de lait, par exemple. Ou bien, il boit du lait et il mange avec le lait. Est-ce que je peux l'allaiter ou je ne peux pas? Naam. On lui dit, Inch'Allah ta'ala, la vie le plus juste, c'est que tu regardes l'âge. Tant qu'il n'a pas 2 ans, alors, Inch'Allah ta'ala, tu peux l'allaiter 5 fois, et il sera, Inch'Allah ta'ala, ton fils. Aussi, il y a des gens qui demandent, ils disent, 2 ans, Hijri, non, Hijri, pas Miladi. Toujours Hijri, il n'y a pas en islam Miladi. Ça n'existe pas. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est certaines femmes, par exemple, demandent et disent, Nam. Certaines femmes disent, Nam. Est-ce qu'il est permis de prendre un enfant de la zina? Un enfant de la zina et de l'élever, lui donner du lait, etc., l'allaiter pour qu'il devienne notre enfant? La réponse, Inch'Allah ta'ala, en principe, c'est permis. Pourquoi? À cause de 2 choses. La première des choses, il n'a rien fait. Qu'a fait l'enfant de la zina? On l'a expliqué tout à l'heure. La faute incombe à son père et à sa mère. Lui, miskin, il n'a rien fait. Et peut-être, demain au paradis, avec les messagers, les bienfaisants, les martyrs, etc. Non, m'a dit premièrement. Deuxièmement, Inch'Allah ta'ala, tu as beaucoup de récompenses. Car si toi, tu ne le prends pas, les kuffars vont le prendre et vont faire de lui un kafir. Donc en le prenant toi, Inch'Allah ta'ala, tu gagnes quoi? Tu gagnes que de par ta cause, il a été un musulman. Et il va rentrer au paradis, tu en seras la cause. Imagine qu'est-ce qui t'attend demain comme récompense. Naam. Mais les ulama ont dit, on ne le prend pas dans un cas. Dans quel cas? Si on sait que, à cause de nous, ça va être la cause pour que les femmes alors vont faire la zina Ils vont se dire, puisqu'il y a des gens qui le prennent, moi je fais la zina et je le jette comme ça dans la rue. Une seconde, Inch'Allah, t'as le téléphone, c'est peut-être urgent. Une seconde, Inch'Allah. Une seconde, Inch'Allah. Une seconde. Naam, astaghfirullah wa toubou ilayh. Naam, une seconde, Inch'Allah. Je dis, Inch'Allah ta'ala, na'am, sauf dans un cas où on ne peut pas prendre l'enfant de la zina, si je dis, on va être la cause, na'am, pour exhorter les femmes à faire la zina et à le jeter. Elles disent, on sait qu'il y a des femmes qui, il y a des familles qui vont le prendre. Mais maintenant, excusez-moi, tellement la zina et la fornication, tellement yani, elle est répandue que maintenant, yani, il ne reste que le choix de le prendre. Le meilleur choix maintenant, c'est de prendre l'enfant et de lui donner une éducation, une éducation religieuse, et de, Inch'Allah ta'ala, se dire dans l'intention que demain, je rencontrerai Allah ta'ala avec, j'ai élevé un orphelin, bi'idhnillahi azza wa jal. Tayyib, on va passer à autre chose. Naam. Maintenant, si une femme, naam, si une femme, bi'idhna azza wa jal, yani, est vierge, ne s'est jamais mariée, peut-elle, yani, en donnant du lait, peut-elle faire de sorte que cet enfant soit son enfant, ou bien il faut qu'elle soit mariée, ou bien il faut qu'elle soit mariée. Le madhab, d'après l'avis hanbalite, il faut que cette femme soit mariée et enceinte aussi. Non, mariée et enceinte. Car vous savez que le lait, en principe, il vient de quoi? Comment se fait-il que la mariée a le lait et la vierge n'a pas le lait? Parce que le lait, il est poussé par qui? Par son mari. Non, son mari, en faisant avec elle le rapport, non, ça pousse à donner le lait chez la femme quand elle devient enceinte. C'est pour ça que la vierge, yani, en général, n'a pas de lait. Mais, Cheikh Larmo dit ici que l'avis le plus juste, naam, l'avis le plus juste, même si elle peut avoir du lait sans être mariée, naam, sans être mariée, une seconde, naam, ce sera alors son fils. Il sera alors son fils. Naam. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'elle a le lait. Est-ce que maintenant, ça peut se concevoir qu'une femme ait le lait sans se marier? Allahu alam. Mais si ça venait à se concevoir, Shirdi, Allahu naam, il devient son fils de lait et ce n'est pas une obligation qu'elle soit mariée. Et ce n'est pas une obligation, Inch'Allah ta'ala, qu'elle soit mariée. Mais comme j'ai dit, le madhab Hanbali fait de cela une condition. Il dit il faut qu'elle soit mariée. Et Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmou, qui suit beaucoup les délils, sort du madhab et dit que ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, bi'idnillahi ta'ala. Mais l'essentiel, c'est qu'elle lui a donné le lait. Naam. Tayyib, une chose, inshallah ta'ala, une autre chose. Maintenant, naam, est-ce que le fait d'allaiter quelqu'un qui a dépassé les 2 ans, est-ce que ce lait donne l'interdiction ou ne donne pas? Est-ce que ce lait donne l'interdiction ou ne donne pas? Et on doit, bi'idhnillah azza wa jal, pour concevoir cette chose, on doit penser à 2 choses. La première, le hadith qui est connu de Salam, qui est l'histoire qui est très connue, Mawla Abi Hudayfa, Naam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme lui a dit que quoi? Qu'il y avait quelqu'un qui rentrait chez elle, etc. Et que maintenant, c'était difficile pour elle qu'il rentre à chaque fois, et en même temps, il vit avec eux. Car c'est le fils adoptif de son mari, ou quelque chose comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé alors à la femme qu'elle l'allaite pour qu'il devienne son fils. Et cet homme a été allaité, quoique âgé. Il avait peut-être 22 ans, peut-être 25, peut-être 30, peut-être plus. Elle l'a allaité et il est devenu son fils. Et à partir de ce jour-là, il rentrait chez elle et se dévoilait devant lui. Et le hadith, bien sûr, est sahih dans Bukhari et Muslim, est très très connu le hadith. Al-Muhim. Maintenant, comment se fait-il qu'elle l'ait allaité à cet âge-là? On va dire qu'elle l'a allaité parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a permis. Et comment se fait-il qu'alors elle lui ait donné sa poitrine? La réponse, ce n'est pas obligé qu'elle lui donne sa poitrine. Mais elle va faire sortir un peu de lait de sa poitrine et le mettre par exemple dans un verre et lui donner à boire. Naam. Peut-être 5 fois consécutivement, naam, ou bien chaque jour une fois comme ça, naam, et il deviendra son enfant. Tayyib, mettre son enfant de lait. Maintenant, est-ce que cette chose est toujours applicable ou bien c'était seulement une permission pour la femme hadi, et spécialement une particularité pour elle? Naam. Ismaël, cherche-moi ce qui est la femme hadi, son nom, etc. Naam. Est-ce que c'est une particularité pour elle ou bien pour tout le monde, inshallah ta'ala? Naam. Tu cherches dans Mawla Hudayfa. Naam, Mawla Hudayfa. Tayyib. La réponse, les ulama ont beaucoup divergé ici. Certains ont dit ça s'est abrogé, khlas. Naam, c'était seulement pour cette femme et cet homme. Naam. Et Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahou a choisi le milieu. Il a dit ça se fait seulement pour quelqu'un qui élève quelqu'un. Naam. Si il l'a par exemple élevé, ensuite il l'a pris comme son fils, ensuite étant grand, il n'a plus de solution que de faire comme a fait ici cette femme. Mais il a dit, mais le tabni n'existe plus maintenant en islam. Auparavant c'était permis, on lui donnait notre nom. Maintenant c'est interdit. Il a dit, on ne lui donne plus notre nom. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, si vraiment on pouvait vivre ce cas, on aurait fait. Mais il a dit, ce cas n'existe plus maintenant en islam. Donc l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen Rahmou est pris de quoi? Du premier avis qui dit c'est abrogé. Ensuite il y a l'autre avis de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim al-Albani et beaucoup d'autres aussi qui disent que ceci est valable et reste valable jusqu'à la fin du monde. Ils disent que chaque femme, chaque famille avec laquelle un homme doit vivre et il n'y a pas d'autre solution, ils n'ont pas les moyens pour que l'homme aille acheter un appartement ou un studio, ce n'est pas permis à tout le monde. Et il doit rentrer matin et soir dans la maison. Comment qu'on va faire? Et le mari de la femme est toujours absent. Il part le matin, il revient la nuit. Et son beau-frère, je ne sais pas qui, doit rentrer. comment qu'on va faire? Naam. Ils ont dit ici, elle lui donne à boire le lait dans un verre. Naam. Et il deviendra bi'idna azza wa jal son fils de lait. Mais à condition qu'il soit vraiment, vraiment, vraiment dans l'obligation. Vraiment, vraiment dans l'obligation. C'est-à-dire, il ne reste de solution que cette solution. Autre chose, en ce qui concerne l'allaitement de quelqu'un qui est âgé. Naam. Ahmoudi, le Cheikh Ahmoudi, est-ce que le fait que l'époux, quand il est en train de jouer avec sa femme, et par exemple, il va quoi? Il va téter sa poitrine. Et il va boire, par exemple, quelques gouttes de lait vont rentrer dans sa bouche. Et il va les avaler. Est-ce que, en faisant cela, elle devient sa mère, et par conséquent, ils doivent alors se séparer, ou bien elle est toujours sa femme, et on ne prend pas en considération le fait qu'il ait tété sa poitrine. Muslim écrit numéro 1 si vous êtes là. Et le Cheikh a dit, surtout, Naam, surtout que de nos jours, il a dit, les choses ont beaucoup changé. Et que les gens, les hommes, quand ils jouent avec leurs femmes, ce n'était plus comme auparavant. Naam, une façon simple de faire les choses. Et maintenant, il dit, ils vivent dans le luxe et la somptuosité. Et ils ont l'aisance de la vie. Et moi, j'ajoute une chose. Et ils imitent beaucoup les koufars. Ils voient à la télévision comment font les koufars. Et il fait la même chose avec sa femme. Naam. Au point où on m'envoie des lettres où c'est écrit des choses horribles. Naam. C'est écrit des choses horribles dans la lettre, ce que demande l'homme à sa femme. Des choses que je ne saurais et ne pourrais citer, comme ça dans ce dars. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala al-musta'an. Revenons à notre cas. Il a tété, naam, en jouant avec sa femme, il a tété sa poitrine, et maintenant il a bu quelques gouttes de lait. Est-ce que elle devient sa mère ou elle reste toujours sa femme? Ici, d'après certains ulamas, c'est devenu sa mère. Et ils doivent se séparer. Naam. Mais Cheikh Lahirmo a choisi un autre avis, choisi le deuxième. Et cet avis, je l'ai lu aussi. Chez Ulama, j'ai lu aussi cet avis qui disent que même s'il vient de sa femme, et qu'il y a des gouttes de lait qui rentrent dans sa bouche et les avale, elle reste toujours sa femme, Naam, car pas fait cela avec intention. Premièrement, il n'y a pas quelqu'un qui fait cela avec intention, qui dit je vais téter la poitrine de ma femme pour me séparer d'elle. Ensuite, Cheikh Ibn Uthaymeen Rahimahou a donné aussi un autre argument. Il a dit, d'ailleurs, si ça faisait aussi, alors la femme qui est intelligente et qui ne veut plus de son mari, alors elle va gagner, mettre un peu de lait dans le manger ou je ne sais pas où, dans son café. Elle va le faire pendant 5 fois sans lui dire que quoi, que c'est son lait. Et le 5e jour, quand il va boire, elle va lui dire Assalamu alaikum, c'est terminé entre nous. 5 fois je t'ai donné mon lait, tu ne savais pas, donc tu es devenu mon fils. Viens mon fils, embrasse-moi sur les joues. Assalamu alaikum, tu es mon fils. Naam, je vais t'acheter des bonbons. Naam, tu vas plus faire autre chose. Je vais t'acheter des bonbons, bi'idhnillah ta'ala. Alors là, ce serait vraiment malheureux si cette chose se faisait. Alhamdoulilah, que ça ne se fait pas. Alhamdoulilah que ça ne se fait pas, car les femmes, étant très rusées, elles sauteraient alors sur l'occasion. Elles diraient, puisque ça se fait aller, alhamdoulilah, je vais me débarrasser de lui d'ici 5 jours. Alhamdoulilah que vous ne pouvez pas faire cette chose et vous resterez les femmes de vos maris, bi-idhnillah ta'ala. Naam. Tayyib. Il a dit ici, illa ummu ukhtihi wa ukhtu ibnatihi. Illa ummu ukhtihi wa ukhtu ibnihi. Il a dit sauf, naam, sauf la mère de sa sœur de lait. La mère de sa sœur de lait. فإن أخته من رضع لا تحرم عليه. Sa sœur, نعم, de sa mère de lait, لا تحرم عليه, ne devient pas interdite pour lui. نعم, alors que dans l'affiliation, elle devient interdite pour lui. Je donne un exemple. Un homme, نعم, la mère de la sœur de lait, نعم, un homme, أم أخته من رضع, la mère de sa sœur de lait. La mère de sa sœur. Tayyib. Moi, par exemple, pour que vous compreniez, je me prends moi comme exemple, c'est plus simple. Naam. Moi, par exemple, la mère de ma sœur. Naam. La mère de ma sœur, de ma vraie sœur, c'est qui? C'est ma mère. Elle dit, je ne peux pas me marier avec elle, c'est ma sœur. C'est ma mère, pardon. Mais, la mère de ma sœur de lait. Mais maintenant, j'ai une sœur de lait. Par exemple, il y a une fille qui a tété la poitrine de qui? De ma mère. Donc celle-là, c'est qui? C'est ma sœur de lait. C'est ma sœur de lait. Ou bien, moi, j'ai tété la poitrine d'une femme qui a une fille. Cette fille, c'est qui? La fille de cette mère. C'est ma sœur de lait. Taïb. La mère de la sœur de lait, la mère de la sœur de lait, n'est pas comme la vraie mère. Naam, illa ummu ukhtihi. La mère de la sœur de lait n'est pas comme la vraie mère. Naam. Je donne un exemple. Il y a une femme qui a une fille. Il y a une femme qui a une fille. Cette fille a tété la poitrine de ma mère. Cette fille a tété la poitrine de ma mère. Cette fille, c'est qui? C'est ma sœur. Naam. C'est ma sœur. Pourquoi? Elle a tété la poitrine de ma mère. Et c'est en même temps la sœur de tous mes frères. C'est la sœur de tous mes frères. Mais sa mère à elle, sa mère, est-ce que pour moi, je peux me marier avec elle? Réponds-moi, Ismaïl et Muslim, répondez-moi. Je vous répète le cas. Une femme a une fille. La fille a tété ma mère, a pris le lait de la poitrine de ma mère, comme moi j'ai pris le lait de ma mère. Donc, c'est ma sœur de lait. C'est ma sœur de lait. Mais moi, je peux me marier avec sa mère ou je peux pas? Ismaïl, tu écris je peux ou je peux pas? Naam, oui, bien sûr, je peux, naam. Pourquoi? Parce que c'est la mère de ma sœur de lait. Ce n'est pas ma vraie mère. C'est la mère de qui? De ma sœur de lait. Naam. Et ce qui est très, très, très, très malheureux, c'est que beaucoup de gens, naam, yani, se trompent beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'allaitement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens se trompent dans l'allaitement. Subhanallah al-Azim. Ils disent, par exemple, que si moi, par exemple, dans ce cas, où une fille, a quoi? A pris le lait de ma mère. Il croit quoi? Il croit alors que je ne peux pas me marier ni avec sa mère, ni avec ses sœurs à elle. Subhanallah al-Azim. Pourquoi? On leur explique, on leur dit, ici, qui est-ce qui a tété? Qui est-ce qui a tété? C'est elle. Elle a tété qui? Elle a tété ma mère. Donc, puisqu'elle a tété ma mère, c'est une sœur pour moi. Elle est ma sœur de lait. Elle a tété ma mère. Mais ses sœurs à elle, les autres sœurs, qui n'ont pas tété ma mère, ce sont des étrangères. Naam. N'ont pas bu le lait de ma mère. Qui a bu le lait de ma mère? Celui qui a bu le lait de ma mère, c'est celle-là. Supposons qu'elle s'appelle Rachida. C'est Rachida qui a tété, qui a bu le lait de ma mère. C'est Rachida qui est ma sœur. les sœurs de Rachida. Ce ne sont pas mes sœurs, ce sont des étrangères. La mère de Rachida, c'est une étrangère. Sa cousine, sa, tout, toutes celles-là sont des étrangères pour moi. Naam. Maintenant, c'est quoi? C'est Rachida qui a pris le lait de ma mère. Je vais boire le lait de la mère de Rachida. Alors, Rachida sera ma sœur et toutes les sœurs de Rachida seront mes sœurs. Et il n'est pas possible que je me marie avec les sœurs de Rachida, ni avec sa tante, naam, ni avec sa mère. Naam, mais je me marie avec sa cousine, bien sûr. Et dans ce cas, mes frères, moi, peuvent se marier. Mes frères, moi, peuvent se marier avec qui? Avec Rachida et les autres. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai bu le lait de la mère de Rachida. Et mes frères, Rachida pour elle, pour mes frères, c'est une étrangère. Ils ne la connaissent pas. Naam, c'est moi seulement qui ai bu le lait de la mère de Rachida. Donc la mère de Rachida m'est interdite pour moi et Rachida m'est interdite. Et ainsi que ses tantes, etc. Mais mes frères, ce sont des étrangers pour Rachida. Elle doit se dévoiler devant elle, pardon, devant eux, devant mes frères. Ce sont des étrangers. El-Mohim. Il y a beaucoup de choses dans l'allaitement que les gens ne connaissent pas et font confusion. Naam, font confusion, subhanallah al-Azim. Ça donne une khalota et ils ne savent pas, yani, comment, yani, quel est le plus juste à suivre. El-Mohim. Il a dit, il a dit, فَإِذَا رَضَعَتْ أُخْتُكَ مِنْ إِمْرَأَةٍ فَيَجُوزْ لَكَنْ تَتَزُوَجَ بِهَا. Si ma soeur, ma vraie soeur, ma soeur, a maintenant pris le lait ou a bu le lait d'une femme. Alors là, je pose la question à Ismaël et l'autre. Ma soeur, ma vraie soeur, a tété le lait d'une femme, de ma voisine, de la voisine. Naam. Est-ce que moi qui suis son frère, peux me... Naam, répondez-moi. Est-ce que moi, qui suis le frère de ma sœur, je peux me marier avec la voisine? Naam, je peux. Je peux, pourquoi? Parce que je n'ai pas bu le lait de cette femme. C'est ma sœur qui a bu le lait. Ma sœur n'a rien à voir avec moi. Naam, c'est elle, c'est ma sœur qui devient sa fille. Ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas son enfant. Je n'ai rien bu. Naam. Ensuite, il va rentrer dans autre chose, je préfère arrêter là. Il va rentrer, c'est le plus important, bien sûr. C'est le plus important. Il va rentrer dans quoi? Il va rentrer dans celles qui deviennent interdites par l'acte de mariage. Naam, celles qui deviennent interdites par l'acte de mariage. Et c'est peut-être le plus important. Naam, et c'est peut-être le plus important. Bi'idhnillah azzawajal. Seulement, naam. طيب je préfère laisser cela inshallah ta'ala au prochain dars باذن ta'ala. Naam, sans arrêter inshallah ta'ala, on passe directement aux questions. On commence par Bint Hussein, tafadhali barakallahu fik, ou bien une seconde.